Jean Charest, à un moment donné, il a dit à Monique Jérôme Forget, je veux plus que vous prononciez le mot réingénierie. T'sais, Jean Charest, il avait pas de couilles. Puis moi, je pense que M. Couillard n'aura pas plus. Avec Éric Salvaille mardi soir, mais pas avec Pierre Bruno hier. C'est donc un homme de contenu, enfin presque. Accueillons votre animateur, Jean-Philippe Beau! Oh! Hey, bonsoir tout le monde! Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, tu peux nous laisser amplement le temps d'investir notre argent dans des paradis fiscaux. Fred Savard, bonsoir! Bonsoir. En passant, c'est légal. Quoi? Ben, les paradis fiscaux. Je le sais. Hein, mais c'est, je ne comprends pas pourquoi les gens ont capoté avec cette histoire-là de Philippe Couillard et son paradis fiscal. Franchement, et en plus, c'était dans une banque canadienne. Ben oui! Est-ce que, c'est un patriote canadien, ben finalement. Oui, là, oui, faut franchement, le dire. Franchement, là. Et en plus, faut pas oublier que c'était pendant qu'il aidait les Saoudiens hein, à guérir du cerveau. Oui. Et ça, c'est pas rien, non. Il faut savoir aussi, les banques là-bas, c'est pas comme les banques d'ici. Il n'y a pas des beaux caissiers. Non, c'est pas clair. Mais quand ça. Même, 600 000 piastres sur 4 ans en Arabie Saoudite, ça fait juste 150 000 par année. D'après moi, il était à temps partiel là-bas, lui. Oui, mais en même temps, il est peut-être allé pour la température. On ne sait pas ça. C'est vrai. Et ça ne nous regarde pas, c'est Fred. Hein? Puis que j'en vois pas un faire de lien entre le 428 000 en dons qu'on ne retrouve pas au PLQ et Couillard. Non. Ce serait très malhonnête. Il y a plein de médias qui vont faire ça. Puis oui. Les gens vont rester sans Couillard, argent perdu. C'est pas ça qu'on veut non. faire. Faut pas associer Philippe Couillard et le don perdu non. 428 000. Et à force de faut le dire, le répéter, les gens vont. C'est non, ça? C'est parce que les gens vont l'intégrer. Ouais. Vous savez ce que c'est. Mais, hein? Et je trouve ça très malhonnête. Oui. Mais c'est quand même inquiétant pour quelqu'un qui veut devenir premier ministre qui veut faire le ménage des finances publiques. On peut le dire. Non, même. Mais en même temps, je pense que c'est ça son truc. Ah faire oui. disparaître les affaires. Ah. Hein? L'État coûte trop cher. Pouf! Ah. Plus d'État. Wow. Hein? Oui, non, mais c'est pas fou. Hein? Quoi d'autre cette semaine? Ben, sinon, hier, vous l'avez écouté, on a eu un gros débat des chefs. Ah hein, oui. C'était bon. Hein? C'était un autre des bons. Un débat debout? Non, ben non, c'était à Radio-Canada, le débat debout. Hier, ah. c'était assis. Mais non, mais je veux dire, il y avait beaucoup debout. À debout? Oui. À debout comme dans Booze? Oui. Ah, ben oui. C'est ça, Couillard, il a dit, il a trouvé que oui. ça s'est lancé beaucoup debout. Oui, debout. Ben oui, oui debout. Mais c'est parce que, mais en même temps, il faut comprendre, en Arabie Saoudite, il n'y a pas beaucoup debout. Ah non, hein? C'est chèche-chèche. Hein? Il y a très peu debout. C'est les déserts, vous savez ce que c'est, hein? Même, c'est ils ont bon? Essayé d'avoir de la boue là-bas, mais il n'y a pas debout. Je suis pas au courant. Il n'y a pas debout en Arabie Saoudite, non. Très peu debout. Enfin, sinon, qu'est-ce pas le choix, hein? Tu peux pas tirer du gun dans les nuages puis que la pluie tombe, ça marche pas de même. Eh mon Dieu, vous êtes rendu loin. Ah, j'ai fait de la physique, hein? Ah, mon Dieu, en secondaire 4. Au primaire. Sinon, grosse semaine pour l'intégrité. En tout cas, Pauline Marois ne peut pas dire que les libéraux sont les seuls à être corrompus. Non. L'UPAC a fait sa petite visite au PQ cette semaine. Finalement, hein? Il y a juste Québec solidaire. On va le dire, il y a juste Québec solidaire puis la CAQ qui sont clean, hein? Ben, en même temps, je veux dire, tu fais pas de la collusion avec des partis d'arrière-ban. Non. Je veux dire, la mafia, c'est pas des reçus d'impôts qu'ils cherchent. Non, c'est, vrai. C'est plus. Tu comprends? Je veux dire, c'est des contrats. Non, hein? Non. Il y a pas beaucoup d'argent à faire avec l'asphaltage et une ruelle verte non plus. Hein? C'est. Le tricotage de jute aussi. Non, c'est, non, c'est pas. Les prix de la jute sont tellement bas. Il n'y a pas d'argent à faire. Non. Ouais. En tout cas, heureusement pour l'UPAC qui visitait les bureaux du PQ, parce que si ça avait été ceux d'André Boisclair, il aurait cherché longtemps. Oui. Hein? on n'est pas correct avec André. Moi, je trouve que. Ouais. Ah ouais, ben non, mais vous avez raison. En même temps, il devait faire du télétravail hein, pour faire économiser le trésor québécois. Ben, je pense que c'est ça. Ça. Ouais. Imagine que Boisclair puis économiser, mais ça va pas dans la même phrase, ça. Non, mais Boisclair puis trésor, oui. Ah oui. En tout cas. Hey, grosse nouvelle cette semaine, il y a Montréal qui a un new sheriff in town. Ah oui. Vous avez vu ça aussi, hein? De Nicodère. On recule-tu tant que ça avec lui? Mais ça qu'on est rendu dans le Far West, là? Non, mais pas tant que ça. Non, mais c'est parce qu'en fait, ce que Denis veut dire, c'est que Montréal, il veut que Montréal devienne la ville la plus intelligente du monde d'ici 3 ans. La ville la plus intelligente du monde d'ici 3 ans. Ça implique quoi, ça, une ville intelligente? Hey, écoute, c'est assez flou, ah en ouais. fait. Ah ouais? Mais ça, c'est un beau mot à dire en oui. conférence de presse, par exemple. Moi, j'essaie que mon condo soit le plus intelligent ah ouais, d'ici 3 ans. Fait, vous y achetez un dictionnaire? Je sais pas, honnêtement, mais je veux juste qu'il soit plus intelligent d'ici 3 ans. Eh ben. Ça se dit très bien. Ah hein? ouais. Puis pour Coderre, j'ai l'impression que ça veut dire plus de taxis, moins de Bixi, moins de freins, plus de dogs dans les rues. Comment c'est là? Comme dans le Far West, finalement. À peu près, on y revient toujours. C'est vrai. Parlant de Far West, il y a aussi... il y a la Russie hein, qui a toujours pas réagi aux allégations du député libéral, Erwin Cutler, pendant un voyage à Moscou, ce qui aurait été empoisonné, c'est en 2006. Hein. Un député libéral? Hein? Empoisonné? Hein? Puis ce serait les Russes qui seraient derrière ça. Moi, j'ai pensé la même chose que vous, mais ça ne concorde pas avec les dates. Les conservateurs sont arrivés au pouvoir en 2008. Ah. Donc, ça marche. C'est pas okay. lié. On aurait pensé que ça aurait ben plus oui. que ça. Hein. Peut-être qu'on l'a... Je l'aimais bien quand on l'a écrite, celle-là. Hey, c'est fâchant. Hein? Ouais. C'est souvent les meilleures blagues qui sont les moins bonnes. Je le sais. Peut-être faudrait revoir un peu. Le... Je sais pas, je sais pas. Regarde, c'est à nous à faire un... peut-être un lac à l'épaule. Peut-être. Ou deux. Ouais. Je sais pas. Enfin, ou changer les scripteurs aussi. Peut-être. Mais en même temps, je vous aime beaucoup. Fait oui, on va rester bon. Avec. OK, les gars. Hey, D'ailleurs, les députés conservateurs Maxime Bernier et Christian Paradis ont déclaré qu'ils n'allaient pas intervenir dans la campagne électorale. C'est pas rien. Je te gâche, on n'est pas au courant qu'on est en élection. Ben Maxime, non. Mais Christian, oui. Ah oui? Oui, c'est sa mère qui l'a averti. Puis je pense qu'il l'a appris à Radio X. Ah, aussi, oui. Un homme bien informé. C'est encore drôle. Hey, mais heureusement, nos invités de ce soir sont au courant qu'il y a des élections. C'est une très bonne nouvelle. Oui. On reçoit tout d'abord la candidate libérale de Saint-Henri-Saint-Anne, Marguerite Blais. On est très contents de la recevoir. Ça fait longtemps qu'on essaie de la voir, Marguerite Blais. On est très contents. Ouais. Ça, c'est elle qui envoyait des clowns dans les hospices, hein, c'est ça? Ah, on dit plus ça, Fred. Ah on dit les amuseurs publics dans les hospices. Ah, OK. C'est ça. Faut être respectueux envers nos clowns. Ouais. C'est très important. C'est une petite blague. Ouais. Oui. Sinon, on reçoit également le candidat de la CAQ dans Granby, François Bonnardel. Oui. Deuxième fois à l'émission. Deuxième fois. Très bon. Très bon. La CAQ, est-ce qu'on a encore le droit de dire ça? Ben, si on veut être respectueux avec les clowns, oui. Ah ouais. De toute façon, on aura le temps de lui demander parce que la soirée est encore jeune. Oh là là, qu'on a du fun. Hey, bon Dieu que le public est proche ce soir, hein? C'est fou. Hey, mon Dieu, quelqu'un qui a mangé de l'ail à midi, c'est clair. OK, on va aller parler à Olivier. Olivier, oui, comme d'habitude, ouais. Les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront lire qu'Option nationale prévoit dans leur imminent premier mandat organiser une transition des infrastructures de Radio-Canada vers Télé-Québec. Oui, ben là, oui. Là, moi, je suis un petit peu insécure. Là, c'est quand même dans une semaine. Puis ils ne parlent pas de la radio. J'espère qu'on va pas se ramasser à Rythme FM ou je sais pas trop. Là, la soirée est encore jeune avec Marina Orsini. Pas sûr. Pas ben, sûr. Franchement. OK. On passe au courrier des auditeurs. Ben, vous êtes plusieurs à demander chaque semaine c'est qui le gars qui rit fort dans le public. Ouais. Ben, comme il est pas là ce soir, je vais en profiter pour vous répondre. Là. C'est un gars que vous connaissez pas. OK. Ça, c'est réglé. Yann Parson demande « À quand un accent radio-canadien pour Olivier Niquette? C'est selon moi la seule chose vous séparant d'un trophée au gala des Oliviers. » Ouais, ça c'est ben, clair. Vous avez raison, hein, je vais aller prendre des cours. Puis un jour, j'aurai le même accent radio-canadien que Philippe Bond. Puis on va en gagner les Oliviers comme lui. Ouais, mais c'est vrai que c'est un problème, ça fait longtemps. Puis on en c'est parle récurrent. Oui, oui, oui. Ouais. Mais regarde, on va l'envoyer en formation. Ça, je parle OK, on va aller rejoindre le gros Girard. Jean-Sébastien, comment ça va? Ah, bon, bonjour Philippe, comment allez-vous? Ça va comme ci, comme ça, honnêtement, Jean-Sébastien. Ah ben non, qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas, c'est médical, c'est pas de vos affaires, j'en sais. Oh shit, pas encore ça. Ouais, ça a comme pas désenflé, on dirait. Ah, Chris, petite colique. Ouais, oui, je sais. Non, comment tu finis? Mais non, mais j'ai essayé de la cortisone, puis ça désenfle pas. Je sais pas pourquoi, regarde, je pensais que ça... La cortisone, Jean-Philippe, ça enfle, ça désenfle pas, le pauvre. Ouais, mais vous voulez que je mette quoi d'autre, de toute façon? C'est un endroit qui est un peu, mais vous savez, là, délicat. Le délicat, je veux bien, mais à un moment donné, Jean-Philippe, vous pouvez pas traîner ça toute votre vie, là, ça fait 3 ans, je veux dire, à un moment donné, il va falloir que vous fassiez quelque chose. Jean-Sébastien, il y a plein de gens qui écoutent, là. Jean-Sébastien, il y a des gens qui écoutent, arrêtez de... Hey, vous nous parlez de quoi cette semaine? Ah, ben, vous le savez, mon bon Jean-Philippe, avec tout ce qui s'est passé cette semaine, les fameux paradis fiscaux légaux de M. Couillard, ouais, hey, j'ai pensé évidemment que puisque nous sommes un diffuseur public, ouais. On a une mission publique, on devait rendre service à la population et leur montrer à eux aussi comment fourrer le système. Ah ben voilà. Fourrer le système de façon légale. Ah ben oui, légal, hein. Enfin oui, il faut pas quand même. Alors, on va demander des trucs à M. Pierre-Yves McSween, que vous connaissez bien, ouais. Bien connu ici à Radio-Canada. Mm-hmm. Il est entre autres une chronique de finances personnelles, chargé de cours à HEC Montréal. Et avec lui, donc, on va apprendre à fourrer le système. Ah, mon Dieu! De façon totalement légale. Ben, j'espère, hein, j'espère. Absolument. Mais vous êtes donc bien à l'argent, mon gros chipo. Oh, mais bon, c'est pas avec les 30 piastres par semaine que vous me donnez pour ma chronique que je vais devenir riche. Hein? Ah ben là, 30 $ quand même, c'est presque mon salaire. Hein? Puis il y a du monde comme vous, Jean-Sébastien, il y en a 150 qui attendent dehors à Radio-Canada pour vous remplacer et probablement avec plus de talent. Hein? Je sais bien, je sais bien. Mais ben, que voulez-vous? Vous pouvez pas me reprocher d'aspirer un peu mieux, Jean-Philippe. Ben non, je sais bien, mais légalement toujours. Hein? Toujours, toujours légalement. Alors dans quelques minutes, comment fourrer le système? On est très hâte. Merci Jean-Sébastien. Mais de façon légale. Ah oui, ben oui, ben c'est correct. OK, c'est beau. Bye-bye, Jean-Sébastien, notre premier invité, Fred. Elle a débuté sa carrière au petit écran et la poursuit à l'Assemblée nationale. Elle vise un troisième mandat dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne. Accueillons Mme Marguerite Blais! Quatrième mandat! Mon Dieu que ça passe vite! C'est vrai! Quatre mandats! Comment ça va? Bonjour, bonsoir! Hey! Colin Debin, l'UPAC sont pas barrés à 40 de venir vous déranger en pleine campagne, hein? Ça! Non! Ils m'ont pas dérangé! Ben, en tout cas, c'est ce que j'ai lu ce matin. C'était juste avant, hein? Ben, pas du tout. Je les ai pas rencontrés. Rendez-vous. Ah, ils vous ont donné rendez-vous, c'est ça? Oui, puis moi, je serai au rendez-vous. Ah, mon Dieu! Parce que j'ai rien à me reprocher. Mais comment ça se fait qu'ils vous donnent rendez-vous si vous avez rien à vous reprocher, donc? Ben, l'UPAC est en train de vérifier tout ce qui se passe au niveau des partis politiques et du financement. Et je trouve ça correct qu'ils invitent les députés et de toutes les formations politiques, d'ailleurs. Ils devraient le faire. Oui, de toutes les formations politiques. Françoise David est en ligne, là. Et ils devraient... Non, mais ils devraient, une fois pour toutes, regarder s'il y a des choses, puis nettoyer le terrain. Mais moi, j'ai rien à me reprocher. Fait que là, vous avez vraiment rien, là. Ils vous ont appelé par hasard comme ça. Ils étaient rendus à B dans la liste, puis ils se sont rendus compte. C'est ça qui s'est passé, il faut le savoir. Ben, ils veulent probablement vérifier, ou confirmer ou infirmer des faits. C'est correct. Vous n'avez pas le droit d'en parler plus que ça, j'imagine. Hein? Ben, je ne le sais pas, je ne les ai pas rencontrés. Ben oui, mais il y a sûrement un petit squelette qui traîne. C'est pas un squelette complet, une petite côte. J'ai pris du poids au fil des ans. Oh. C'est-à-dire? Ben, que j'étais beaucoup plus mince. Alors, on sentait mes côtes davantage. Ah! OK. Non, et moi, je suis pas allé là. Hein. Vous le savez que je suis pas allé là. Ah, non. Moi, je... Les affaires de poids, c'est lourd. Non. Moi, je me souviens de vous dans les années 80 à la télé, puis c'est resté là, moi, pour moi, dans ma tête. Vous savez que j'ai longtemps pensé que vous aviez animé Au jour le jour, mais on m'a dit que c'était pas vous. Au jour le jour, non. Et que j'ai haï cette émission-là. Non, mais il y a quelque chose... C'était des mots pour le dire. Ah, c'est ça! On a-tu cherché? C'était une émission sur la sexualité. Arrêtez donc, vous. Voyons donc. Il y avait j'ai ça fait à 750 TV. Entrevues sur la sexualité. Ah, mon Dieu, ça devait tourner autour du même sujet, à un moment donné? Non. Non? Non. 750 entrevues différentes. Ah oui? Oui, 750 personnes différentes, 750 sexualités différentes. Eh mon Dieu, que le monde est fou, hein? Fou. Le monde est sexuel aussi. Ouais. Ah, dites pas ça, là, j'ai chaud. Vous savez ce qui est le fun avec cette visite de l'UPAC quand même? J'ai pas lâché ce point-là, je suis désolé. Il n'y en a pas eu de visite. Non, mais la visite qui va s'en venir, là, c'est que ça va peut-être vous donner l'occasion de retourner à TV au show de la petite Charbonneau. Là. Y a-t-il des chances que vous alliez voir France? Non. Non? Non. Ah, OK, bon, mon Dieu que c'est plat. Oh, je pensais avoir des révélations ce soir, mais quand même, 750 entrevues sexuelles, vous allez m'en reparler. J'ai fait autre chose, hein? Mais non, mais je sais, mais il y en a 750 à revoir quand j'ai même. J'ai fait Marguerite et compagnie. Oui. Bien le bonjour. Puis pourquoi choisir la politique après... Visa santé. C'est qu'après 750 entrevues sur la sexualité, vous étiez tannée de parler de ça, puis vous avez envie de vraiment pas en avoir en allant à l'Assemblée nationale? Non, je suis pas Est-ce que c'est ça que c'est oui, passé? Oui, je pense que c'est ça, exactement. C'est ça. Vous avez raison. Mais il y a eu un laps de temps entre la télévision et oui, la politique. Quand même. Je suis allée à l'université, j'ai fait Arrêtez mes lettres. Donc, c'est... Ben oui. J'ai fait mes lettres. Ah, mais vous avez vos diplômes, puis tout. J'ai tout ça. Ah, mon Dieu, c'est pas de la merde. Non, non, c'est pas Parce que j'ai regardé ma vie. Oui. Non, la vérité, là. Oui, dites-moi non. Je vais hein. être sérieuse. Ah, mon Dieu. À un moment donné, on m'a dit que j'étais trop vieille pour faire mon métier à la télévision. Arrête donc. C'est-tu bête, hein? Ouais. Je parlais à Micheline Lantour. La télévision n'aime pas les rides. Bien, je parlais à Micheline Lantour la semaine dernière qui m'a dit que quand le HD est arrivé, elle n'a pas travaillé pendant 6 ans parce qu'elle avait l'air de 195 ans à l'écran. Je trouvais ça un petit peu exagéré. Mais paraît-il que c'est vrai, alors que chez les hommes, je veux dire, Simon Durivage, il est là depuis 67 ans maintenant. Et il travaille encore. Et on l'adore, Simon. On l'adore. Il n'y a pas de doute. Mais là, ils enregistrent, moi. Comment? Ils enregistrent. Ah oui? Oui. Ah oui, ben c'est Comment bon. Il fait pour parler comme ça, un vrai moulin à parole? Hein? C'est sans arrêt. Hein? Là, il doit se réveiller la nuit. Hein? Ouh, juste changer les pubs à chaque jour, ça part. Aller. Non, je fais comme mon père. Quand j'arrive chez nous, je parle plus. Bon, j'espère qu'il l'écoute. Vous voulez m'en parler? Des mots pour le dire, allez-y. Non, je paye 100$ pour en parler chaque semaine. C'est bien beau, ça. Mais là, c'est la campagne électorale. Ça serait bien maudit qu'on parle pas de campagne électorale. Vous deviez venir il y a 3 semaines. Et on avait préparé plein de questions. Et je me suis dit, on va commencer avec les mêmes questions que je vous avais préparées. Et ma première, c'était « Bienvenue à la soirée, prêt pour un autre petit 4 ans dans l'opposition. » Eh boy, hein? Ça change vite, pareil, le... Seigneur. Et mon autre, c'était « Comment ça fait que la campagne du PLQ lève pas? » Puis après ça, c'était « Est-ce que votre chef va démissionner le 8 avril? Ben oui, mais je vois deux semaines, c'était ça. Oui. Qu'est-ce que je vous dis? Ça change vite. Moi, là, vous préparez vos questions. Ben, il faut... Quand j'étais animatrice, je ne préparais jamais mes questions. C'est peut-être, pour ça... là là. C'est peut-être pour ça que vous êtes rendu en politique aussi. Je regardais mon invité dans les yeux et je sentais le moment. Ben, c'est sûr, vous parliez de sexe pendant... Bonne réponse! 1-0! Je veux dire, si vous voulez qu'on... si vous voulez qu'on jase de ça, je vais l'enlever, mes petits cartons, là, c'est pas bien grave. Mais qu'est-ce qui fait que vous... Qu'est-ce qui fait que la campagne du PLQ a levé à ce point-là? Puis parlez-moi pas de sexe encore, là. C'est parce que ça va bien dans Saint-Henri-Sainte-Anne. C'est à cause de votre comté! Ah! C'est non, évident. Pour vrai, là, comment ça se fait que ça a levé tant que ça? C'est à cause de Pierre-Carles? Ah! Vous le demanderez à Pierre-Carles. Ah, ben, il veut pas venir ici. Ah, il veut pas? Pourquoi? Non, parce qu'il veut pas aller dans les émissions d'humour. Ben non, il va juste Infoman. Ouais. Mais c'est vrai qu'il veut pas venir dans les émissions d'humour. Puis c'est assez avec mon collègue Patrick Lagacé, là, à la presse. Avec, C'est parce qu'on a un chef extraordinaire. Oh! Mais vous voyez? Les gens en doutent! Mais on a un chef extraordinaire. Mais vous je pensez... l'aime. Ben oui, mais non, est-ce mais c'est bien l'amour. Ben oui. J'ai le droit d'aimer qui je veux. Ben vous avez tout à fait raison, mais entre Philippe Couillard et Jean Charest, là... Lequel vous aimiez le mieux? Ah, vous savez, sur l'oreiller seulement. Mon Dieu! Je n'étais pas prêt à ça, moi. Je ne me suis pas protégé avant de venir à cette entrevue-là. N'empêche que Mme Marois, dites que vous faites une campagne de peur. Ah, qui fait la plus grande campagne de peur? Ben, je ne le sais pas. Vous savez que posez-lui la question. J'ai fait des recherches. En fait, pas moi qui les ai faites. Mais on me dit que le PLQ parle plus de référendum que le PQ. Ben aujourd'hui, je trouve qu'on a parlé pas mal de référendum. Ben c'est, Madame c'est Marois a dit non, pas de référendum. Jean-François Lisée en a parlé de référendum. Ouais, il dit qu'il est de moins DGE en moins certain, a parlé de référendum. Ouais. Dans l'après-midi, il a dit non, on ne va pas mais se préparer un peu, pour là, un référendum. À tous les jours, on parle de référendum ben oui, mais attendez dans un peu, cette là. Campagne. Moi, ça me fait bien peur. Vous avez... Ben oui, non, je sais, Fred, moi, je sais. Moi, je vais vous dire ce que... ouais. Je veux parler, moi, des aînés. Ah, mais et je vais parler des jeunes. Ouais, okay. Ah, okay. Parce que je trouve ça très important, le lien entre les aînés et les jeunes. Mais nous, entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on appelle ça des liens intergénérationnels. Ah, d'accord. Et je trouve ça très, très important de pouvoir parler des vraies affaires, des affaires de la vie, ben... des jeunes puis des aînés. Parce qu'il y a moins de jeunes qu'il y a de personnes âgées actuellement. On est la deuxième société au monde à vieillir le plus rapidement. Et en passant, vieillir, ce n'est pas une maladie. C'est la seule façon de vivre. Ben... Les rides, là, c'est comme les sillons d'une carte géographique qui racontent les histoires de vie des hommes et des femmes. Alors moi, je demande aux caméras de tomber en amour avec les rides. Ben oui, mais en même et temps... ces rides-là peuvent vous raconter beaucoup d'histoires, peuvent vous raconter votre culture, peuvent vous raconter votre vie, peuvent vous raconter l'histoire du Québec. Ce sont nos aînés, nos sages. Il faut les protéger. J'ai Pat Adams, pour revenir à l'humour. Ah mon Dieu, Pat Adams, encore lui. Ben, Dr. Adams est à Montréal. Je le sais, on voulait l'inviter. Et tout le monde l'aime. Ouais. Et tout le monde arrive des clowns thérapeutiques. Mais est-ce que ça fonctionnait vraiment, vos idées de clowns thérapeutiques? Ben oui, les clowns thérapeutiques, c'est quelque chose de fantastique. Je ne les ai pas inventés un matin, là. C'est pas sorti de mon chapeau. Vous avez écouté le film, puis vous vous êtes dit que c'était une bonne idée. Pas du tout. Ben moi, c'est un peu ça que je pensais. Ben, non, mais je disais, moi, j'ai découvert ça là. Qu'est-ce que je vous dise? J'ai pas. Ben, ça existe partout à travers le monde et je trouve ça dommage pour l'organisme, qui est un organisme fantastique, où les gens sont formés pour entrer en communication avec les personnes qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer. Alors, quand on peut entrer en communication, ne serait-ce que 3-4 minutes, ici, j'ai des musiciens. Ils savent l'importance, par exemple, d'éveiller des personnes par la musique, ne serait-ce que quelques instants. Pour leur donner le goût de vivre. C'est ça, les clowns thérapeutiques. Mais tenez-moi au courant un peu, là. Ce programme-là, en fait, cette idée-là du clown thérapeutique, là, est-ce que c'est encore en vigueur? Est-ce que le méchant Parti québécois... Ah, ça fonctionne encore. Donc, le méchant Parti québécois, regardez ça. Ah, ben, ils sont fins, quand même. Ils avaient un programme de 4 ans, mais ils existaient avant Marguerite Blais. Ça faisait 10 ans qu'ils existaient. Okay. Ils allaient dans les hôpitaux pour enfants, puis ils allaient dans les CHSLD. Ils continuent d'aller dans les hôpitaux pour enfants et dans les CHSLD. Et je ne vais jamais, jamais de ma vie renier quelque chose de formidable. Voulez-vous que je vous dise, vous avez un ton très calme. Ça fait du bien parce que la campagne est un petit peu acrimonieuse ces temps-ci. Oui, c'est une campagne que je trouve extrêmement difficile. Elles ne sont pas fins, hein, la CAQ et le PQ. Mais je vais vous dire une chose. Je suis rendue dans une période de ma vie J'ai 63 ans. Je suis rendue dans une période de ma vie où récemment, j'ai renoué avec le piano. Ah, c'est vrai, vous avez fait des études là-dedans. Moi, j'ai fait mes études au conservatoire. J'en parlais à ces jeunes musiciens en orgue. J'ai recommencé à flatter, à toucher mon piano, à jouer mon piano. C'est très difficile quand on a cessé de pratiquer. Hein? Ça prend beaucoup de temps. Et c'est formidable quand on est capable de se remettre là-dedans. Alors, j'ai recommencé le piano. J'ai recommencé aussi à m'amuser avec des orchidées. J'ai commencé à prendre des marches. J'essaie de vous suivre. J'ai 7 petits-enfants. Ouais. Ben, ce que je vous dis, c'est que je suis zen parce que ma carrière est beaucoup plus derrière moi que devant moi. Fait que vous n'avez pas besoin de dire des gros mots comme Françoise David ou Philippe Couillard ou... comment il s'appelle le monsieur de la CAQ, là? François Legault. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Écoutez, j'ai une personnalité qui a... Je pense que je ne dis pas de gros mots. Je ne vous ai pas entendu dire de gros mots récemment. Mais en même temps... Déjà, vous m'avez déjà entendu non, dire de gros en fait, mots. C'est ça. C'est que là, je m'intéresse à vous depuis peu. Vous avez dit récemment. Dernière question, Mme Blais. Sur le terrain, hein, dans Saint-Henri-Sainte-Anne, est-ce que ça va bien? Oui. Est-ce que... Oui, mais c'est un comté... c'est pas un comté acquis. Non, parce alors, que je pense que votre adversaire, Péquiste, c'est une ancienne conseillère municipale du coin. Qui a perdu. Mais qui a perdu quand? Ah, aux dernières élections municipales? Oui, ah, c'est ça. Ah, mais quand même, je veux dire, c'est quelqu'un qui connaît son quartier. Oui, c'est quelqu'un qui connaît son quartier, ses dossiers. C'est pas un comté acquis, c'est un comté qui se travaille, vote par vote, à tous les jours. Je suis née là. Ah, ben quand même. J'ai un pied à terre là. Ah, ben ça a quand même plus de rapport. Ma grand-mère avait une maison là, une maison de chambre. Bon. Ma mère enseignait la danse à claquettes. Là? Oui. Ah, ben là. Et mon père était poète. Pourquoi on s'ostine d'abord? Alors, non, j'ai des racines, je suis très enracinée. Parce que vous êtes une des rares, quand même. Je dois vous dire, sans le dire trop fort, mon adversaire m'a fait un peu une campagne difficile à mon égard. Et je n'aime pas, je n'aime pas travailler comme ça. Occupez-vous de vos orchidées dans ce temps-là. C'est peut-être mieux comme ça. Ben, je vais m'occuper jusqu'au 7 avril. Et après ça, le 7 avril, si je suis élue, de mes citoyennes et de mes citoyens, qu'ils soient des libéraux, des caquistes, Québec solidaire, des péquistes, je vais m'en occuper. Parce que le rôle d'un député, c'est de s'occuper de tous les citoyens. Peu importe qu'on soit dans l'opposition ou non? Quel que soit, de s'occuper de ses citoyens, quelle que soit leur couleur politique. C'est ça le vrai rôle d'un député dans un comté. Vous savez, ce qui est affreux dans cette émission-là, c'est qu'on a une limite de temps et on n'a même pas encore pu parler vraiment de sexualité. Vous avez François Bonnardel. Oui, je le sais. Mais vous pourrez en parler avec lui. Ben oui, on va-tu... Mais là, mais de toute façon, vous savez ce qui est bien? Vous restez... Et François sera assis entre nous deux. Donc, on s'amusera avec François. Avec un peu de chance, il va peut-être recommencer le piano lui aussi. Hein? Bon, on a très hâte. Vous restez avec nous, j'espère. On est d'une autre génération, mais on est de la même génération politique. Ah, c'est-à-dire? Ça fait 7 ans, hier ou avant-hier, qu'on a été élu député à l'Assemblée nationale. Colin. Ben bravo, ben, ouais. Hein, parce que quand même, faut... Oh, mon Dieu, c'est des petits applaudissements. Franchement, ils servent là. Mais c'est quand même pas mal moins que François Gendron. Ben non, mais... Non, c'est bon. Hein. Ah, quand même, c'est 30 ans de moins. Je vous promets quelque chose. Oui. Je pourrais jamais me rendre. Ben si vous vous rendez, on va faire un moyen saut. François Gendron, jamais. Ben, en même l'espérance de vie a beau augmenter, mais ça, c'est une chose impossible. Ben, on s'en parle dans 30 ans. Hein. Ça veut dire que votre programme des années aura fonctionné. Bon! Alors, à la demande générale, on n'a pas le choix, on doit retourner écouter un peu de Radio Vision avec notre ami Jean-Étienne Eudes, on écoute. Vous écoutez le Radio Vision, le 14 Strat AM. Jean-Étienne Eudes au microphone en compagnie de qui? Gladys, aux commandes derrière notre console pleine de boutons, un peu comme un adolescent en floraison. Parlant de floraison, elle se fait attendre avec l'hiver blanc qui n'en finit plus. Une autre preuve que le blanc prend trop de place au Québec. D'ailleurs, j'aimerais dénoncer le racisme qui entoure les révélations de l'émission Enquête à Radio-Canada sur les comptes en banque que détenait le bon docteur Philippe Couillard à l'île de Jersey. Premièrement, je dois dire que je suis très déçu que Couillard ait choisi l'île de Jersey, une île blanche à 100%. Pourtant, tant qu'à transiger dans un paradis fiscal, il aurait pu choisir des endroits comme les Bahamas, les Bermudes ou encore Saint Kitts, des endroits idéaux pour les gens qui veulent faire une saine gestion financière de leurs avoirs tout en profitant de la chaleur du soleil et de la bonhomie des populations locales. Ce serait une façon de redonner un peu à la société. Mais non, Kouya a choisi Jersey, un endroit où l'on traite mieux les vaches que les minorités noires inexistantes. Mais les gens qui ne paient pas d'impôts ne s'embarrassent pas de trop d'équité interraciale, visiblement. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle de travail au noir plutôt que de travail au blanc. À cause du racisme qui veut jeter l'opprobre sur la couleur de notre peau. D'ailleurs, à l'instar des chefs des différents partis, j'annonce que Radiovision, le 1430 AM, a déposé ce matin au DGE les documents attestant de nos actifs qui se détaillent comme suit. $108 en rouleau de 25, 5 et 1 sou, une console brinque-ballante, ainsi qu'une poule vivante offerte par Mme Garcielle Bissel, fidèle auditrice. Merci, Mme Garcielle. On va la manger. C'est les patrons méga pack. C'est pas parce qu'on est noir qu'on n'est pas transparent. Je vais faire mon deuil après. Hey, merci beaucoup. Mon Dieu, que c'est drôle. Ah, c'est fou. On va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. On va parler des trucs pour fourrer le système en toute légalité, comme je vous disais. Ben oui, c'est important de le dire, ça. Avant, effectivement, on va profiter de votre présence, M. McSween, pour parler de différents sujets d'actualité liés à l'économie. Alors, vous, là, évidemment, la première question qu'on a envie de vous poser, qu'est-ce que vous pensez de l'argent du docteur aux îles Jersey? Autrement dit, ma question, est-ce que vous êtes un spécialiste qui, un, trouve ça inacceptable ou est-ce que vous êtes un spécialiste qui, deux, vote libéral? J'irais pour la réponse 3 simplement que quand on est un non-résident, ben, on ne paie pas d'impôts au Canada de toute façon. Donc, c'est un non-nouvelle. Hein? Si on est non-canadien, on ne paie pas d'impôts. Comme Bono. Non, c'est vrai, Bono ne paie pas d'impôts, peu importe où il est. Alors, c'est effectivement libéral. Je comprends. Cela étant, rationnellement, de la part d'un probablement futur gouvernement, on se serait quand même attendu à plus. Vous ne trouvez pas que dans ce cas-ci, Couillard n'a pas fait sa juste part? Il a fait sa juste part, en plus que ça, dans son pays d'accueil, il payait 0 % d'impôts. Il est allé dans un autre pays d'accueil où on paye 0 % d'impôts. Donc, il était tout à fait cohérent. Il a payé sa juste part en Arabie Saoudite. Zéro. Bon. Alors, évidemment, aussi, cette semaine, il y a plusieurs candidats qui ont révélé leur déclaration de revenus. Qu'est-ce qu'on a appris exactement, Pierre-Yves, avec cet exercice-là, selon vous, à part qu'il fallait envoyer des paniers de Noël à Françoise David? Mais on a appris que, bon, Philippe Couillard, hein, il y a seulement 200 000 d'horaires. Honnêtement, c'est vraiment pas beaucoup. Je suis très inquiet pour sa retraite. Les Québécois n'ont pas beaucoup d'argent, mais 200 000 à l'âge qu'il a, il faudrait vraiment qu'il fasse attention à partir de maintenant, pour vrai. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Ben, commencer à mettre de l'argent de côté, premièrement. Deuxième chose, évidemment, peut-être lui, malheureusement, plafonné par le plafond des REER. Ce qu'il pourrait faire, par exemple, c'est faire une fiducie familiale qui lui permettrait de mettre à l'abri de l'impôt certains montants. Bon, évidemment, je pourrais vous demander c'est quoi une fiducie familiale, mais ça m'intéresse pas vraiment. Alors, on se retrouve dans quelques minutes. Merci, Jean-Sébastien, c'est bien fin. Merci, à tout de suite. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui ne pourrait même pas se payer une recherchiste à temps partiel avec le salaire de Françoise David. Ah, frère, franchement. C'est à vous, là. Oui, j'aimerais profiter des quelques jours qui nous séparent du scrutin du 7 avril pour m'adresser une dernière fois à nos auditeurs qui iront voter. Nous avons regardé les deux débats. Hein. Certains sont tombés endormis avant la fin, je les comprends. Moi, j'ai dû prendre plusieurs cafés hein, pour rester éveillé. Même qu'hier soir, pour les face-à-face de TVA, je me suis même enfilé les capsules Nespresso comme des suppositoires pour être sûr de rester vigilant jusqu'à la fin. Mais une chose est sûre, votre idée est sûrement déjà faite hein, à la maison, mais j'aimerais quand même vous mettre en garde contre un fléau qu'a si bien identifié Philippe Couillard avec beaucoup de justesse depuis le début de la campagne. Et je parle de la menace référendaire. Ouh! Je sais, vous riez dans les chaumières, mais la menace est bien réelle. Parlez autour de vous de cette menace et vous allez voir le regard de terreur dans les yeux des gens. D'ailleurs, j'aimerais venir à la défense de Philippe Couillard sur l'histoire complètement fallacieuse de son 600 000 $ dans un paradis fiscal. Je n'ai pas de félicitations à faire à l'équipe d'enquête qui, encore une fois, est allée mettre son nez où ça ne sent pas bon pour avoir l'exclusivité d'une fausse nouvelle et pour qu'on puisse voir Alain Gravel à la télé. Lui qui est probablement une taupe indépendantiste, c'est pas la seule à Radio-Canada. Si vous écoutez attentivement certaines émissions de notre programmation, vous pourrez aisément décoder des messages cryptés. Je ne serais même pas étonné que l'émission Série Noire soit bourrée de messages secrets pour les Illuminati de la séparation du Québec, ce qui explique pourquoi on laisse cette émission en ondes malgré des codes d'écoute rachitiques. Ah, faudrait peut-être aussi que j'écoute c'est ma toune, hein, le vendredi soir, une émission qui doit être encore plus encryptée que Série Noire, et ce n'est pas peu dire. Il paraît même que si on écoute Jean-François Brault à l'envers, on peut entendre « I bury Claude Morin ». Mais là, je diverge et la saison de football n'est même pas commencée. Donc, pour en revenir à Philippe Couillard et sa prétendue évasion fiscale, j'aimerais rétablir un fait pour sa décharge. J'aimerais spécifier que c'est entre 92 et 2000 qu'il a eu un compte à Jersey, à une époque extrêmement pénible de notre histoire. Rappelons-nous qu'en 92, il y a eu le référendum de Charlottetown, qui fut un prélude au terrible référendum de 1995, où on égorgea des milliers d'enfants anglophones et allophones dans les centres d'achat. Évidemment, la génération des Y n'en parle pas, parce qu'ils n'ont aucune culture générale. Mais pour nous, les X et les baby boomers, ce fut des années noires traumatisantes. Et c'est pour ça que Philippe Couillard a dû placer son argent sécurité dans ce que les gauchistes appellent un paradis fiscal. Mais ce qui n'est pas légal, c'est de briser notre beau pays, le Canada, avec cette menace référendaire permanente. Et je vous rappelle que Philippe Couillard sait de quoi il parle. Il a travaillé en Arabie Saoudite, un pays sous la menace constante du terrorisme péquiste qui a ses antennes partout. Et sincèrement, quand j'entends les ténors du PQ parler constamment, mais vraiment constamment de souveraineté depuis 30 ans, ils ne parlent que de ça, la souveraineté, la souveraineté, la souveraineté. C'est vraiment une fixation. Je me demande toujours pour quelles raisons devrions-nous devenir un pays. Regardez un peu les pays ailleurs dans le monde, à part l'Angleterre, les États-Unis ou l'Allemagne, là, ça fait dur. La Grèce est en faillite. L'Espagne est sur le bord de fermer. La République centrafricaine s'entretue. C'est ça qu'on veut pour le Québec, s'entretuer à coups de machette. C'est ça, la menace référendaire, de la violence, du chaos, de la peur. Moi, je m'en vais au Stade olympique demain après-midi voir les Blue Jays de Toronto. Et je peux vous dire que j'ai la chienne. Mais je ne céderai pas à la peur, non! Ce n'est pas vrai que ce sont les indépendantistes du PQ qui vont m'empêcher d'y aller. C'est surtout les 5 cm de neige tombés sur la toile du stade aujourd'hui, qui risque de m'en empêcher. Mais je ne serais pas étonné que cette neige soit une stratégie des indépendantistes pour que l'hiver ne finisse jamais et qu'ils accusent le fédéral après. Monsieur Couillard a raison, les péquistes sont obsédés par l'indépendance alors que lui se promène dans les régions pour parler bilingue de dignité d'emploi. Et la dignité, on en a bien besoin, on l'a perdue depuis que René Lévesque est décédé. Alors mes chers amis, ne cédez pas à la menace référendaire le 7 avril, restez chez vous et barrez vos portes. Bon Dieu! J'ai très peur! Vous êtes toutes qu'un comédien! J'ai très peur! Alors, on va aller trouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, Jean-Philippe, toujours avec le spécialiste en finance, M. Pierre-Yves Maxwin. Oui. On cherche des trucs, vous le savez, pour fourrer le système légalement, nous aussi. Dites-moi, avant toute chose, Pierre-Yves, bien fourrer le système, est-ce que ça prend quand même un certain talent, certaines aptitudes, autre que d'être lieutenant-gouverneur en chaise roulante? Certains sénateurs conservateurs vous diraient l'opposé. Non, c'est une connaissance des règles du jeu, en fait. Ah. Et j'aime pas votre terme, je prendrais plus respecter la loi tout en maximisant sa facture fiscale. Bon! Ça, j'aime ça! C'est très, très, très élégant. Donc, dites-moi concrètement des trucs pour faire de l'argent facilement. Qu'est-ce que je fais? Et proposez-moi donc des choses plus payantes et plus faciles à faire que des entrevues de marde dans un téléphone. Premièrement, trouver une vraie job. Boum! Deuxièmement, peut-être vous payer comme Jean-Philippe Gauthier ou engager son agent, ça a l'air très payant. Plus sérieusement, peut-être devenir député, parce que vous avez une allocation non imposable de dépenses donne un revenu supplémentaire. Monsieur McSween, merci beaucoup. Cela étant, je ne suis pas le seul à me poser des questions. Toute la population du Québec se pose des questions. Alors, vous pouvez nous les envoyer, ces questions, à lasoirée@radio-canada.ca. Et on vous revient dans une vingtaine de minutes, mon gros Jean-Philippe. Ben, bye! Notre deuxième invité. Il en est à sa deuxième visite à l'émission, ce que peu de caquistes peuvent se vanter d'avoir fait. Les gens de la circonscription de Granby l'adorent et nous, si on l'avoue, accueillons le caquiste François Bonnardet! Salut Philippe, salut. François, comment ça va? Ça va bien tout le monde, ça va bien. Ma meilleure campagne ever. C'est vrai? Ben oui. Comment ben ça? Oui. Ben vous avez tous vu, on a un candidat qui s'est montré fait sur Facebook. Oui! Hein, quand même. Hey, j'allais même pas vous en parler. Une adjointe politique là, qui ben parlait oui. de sexe avec ben le oui. justicier masqué à Québec, là, qui parlait de G-string. Ça swing à la carte. C'est vraiment une belle campagne. On continue à parler de sexe. Puis on parle de sexe, Marguerite et moi, quand on est au Parlement. C'est vrai? Quand on s'entraîne ensemble, ça arrive des fois qu'on monte au quatrième. T'sais, on a un petit gymnase au Parlement. Ah, pour vrai? Oui, oui. Alors on arrive au quatrième, petite carte, il y a juste les députés qui arrivent. arrive là. Puis des fois, Marguerite est tout seul, elle marche sur, à court sur son tapis. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Il y a beaucoup de députés qui s'entraînent ou on dirait pas? On est... C'est vrai, Marguerite, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Non, on est assez assidus, elle et moi. Assez assidus, ouais, on Pourquoi les députés s'entraînent pas? Ben là, il manque de temps. Ou c'est une question d'équilibre, je pense. Honnêtement, là, je te dirais qu'en 2007-2008, quand j'ai commencé, ouais. peut-être contrairement à Marguerite, je ne m'entraînais pas beaucoup. Ah. Pas gros de nature. Mais avec le temps, tu sais, poutine ici, hot dog, pizza, bière ici et là, puis là, ben, tu prends 4-5 livres, puis là, ben, ça va moins bien. Puis là, ben, mais vous êtes très gentil de venir nous voir quand même, François Bonnardel, parce que, honnêtement, je veux dire... Non, mais mangerai tout une, non, mais... Vous en pensez, non, mais ma mère m'a toujours dit, frappe pas sur le monde qui sont à terre. Oh. La gang, là. Et je respecte ça, moi. Portez-moi un toast, faites quelque chose de suite, là. Bon, merci. Ah, bon, les gens portent un toast à François Bonnardel. Merci. Mais santé, François. Santé. Et c'est toute une campagne, quand même. C'est pas une campagne qui est très facile, mais on va y aller sur les points positifs. Ça a été très bon pour François Legault hier, au débat des chefs. Mm-hmm. On va se le dire quand même. Madame Blais. Oui, je suis tout à fait d'accord. Avouez-le quand même. Combatif. Oui. En feu. Plus que Philippe. Philippe Pauptier a reçu des coups, lui, hier. Hein? Ben, tout le monde le visait. Ben oui, je sais. Tout le monde le visait. C'était comme buté Frosh. Hein? Ouais, tout le monde le visait. Puis, Il y avait l'énergie du désespoir. Monsieur Couillard ou Monsieur Legault? Monsieur Legault. Oui, mais ça, c'est ça. Hein? Mais justement, avec cette performance-là, est-ce qu'on peut espérer quelque chose de différent pour la CAQ? Parce que les sondages le démontrent, ça va pas bien. Ça va pas bien, les sondages. En même temps, c'est juste des chiffres. Ouais. Hein? Mais c'est bien important, des chiffres. Est-ce que ce débat-là va changer la donne? Ben, c'est très volatile. Oui, ça a bougé. Regardez les questions que vous aviez préparées pour Marguerite. Dieu, trois semaines ne sont même plus bonnes aujourd'hui. Je sais! Alors, peut-être que ce que tu me poses comme question aujourd'hui, c'est ça peut-être pas plus, bon. Puis dans 10 jours, on va venir, puis tu vas faire « Mon Dieu, François, vous êtes au gouvernement. Ben, » Non, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, mais c'est ça. Au final, on le sait. Regarde, on se le cache pas, là, tout le monde va regarder ça, le vin fort. Ouais. Le vin fort, je peux pas baisser les voiles, ni à Granby, ni partout ailleurs au Québec. Mais avec la performance du chef hier, je suis persuadé que ça peut être, on appelle ça en anglais un game changer. Oui. Un game changer, un point tournant. Alors, j'ose espérer que les Québécois vont voir, et je veux pas dire ça méchamment à Marguerite, mais la dualité politique concomitante, deux partis depuis 40 ans, les libéraux et les péquistes. Bien, j'ose croire, je défends la troisième voie, moi, depuis 7 ans, bien noblement. Puis je suis persuadé qu'on va être capable de percer puis de dire aux Québécois, gars, il y a une autre façon peut-être de faire de la politique. Mais justement. Mais il y a une chose que je trouve très importante parce qu'on parlait de cette volatilité-là. On a l'impression qu'on a quitté tous les deux l'Assemblée nationale depuis une éternité. À ce point-là? Ah, c'est incroyable comment en politique. Je ne sais même plus comment me rendre à Québec. C'est à ce point-là, hein? C'est vrai que j'ai l'impression que ça fait 6 mois que c'est terminé, mais honnêtement, ça fait juste quelques semaines. Qu'est-ce que vous préférez, la campagne électorale ou siéger à l'Assemblée? Honnêtement, les campagnes électorales, c'est un peu comme nos Jeux olympiques. Ce sont nos quatrièmes Jeux olympiques. Jeux olympiques depuis 2007. Je commence à être habitué. Oui, il faut être Il faut être en forme, puis il faut trouver un équilibre, comme je disais tantôt. Il faut bien dormir. Je ne prends pas d'alcool pendant les 33 jours pour de campagne électorale. Dit, on pourrait penser qu'après une grosse journée, une petite bière fraîche, ça fait du bien. Non, honnêtement, non. Peut-être le samedi soir avec chérie pour relaxer, là, mais ouais. Alors, mais au final, c'est ça. Je prends pas de bière pendant la semaine. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Des fois, en fin de journée, tu arrives à 5-6 heures, tu as encore des petits cocktails ici et là, puis là, tu prends 2-3 petites gorgées, puis deux, trois mots qui sortent de travers. Puis là, les journaux, là, les gens font les beaux journalistes. Dire, là, oui, c'est ça, alors, c'est ça. Est-ce que vous sentez ça sur le terrain, que la CAQ, ça baisse un peu? Ben, ça a baissé les sondages. Oui, mais sur le terrain, est-ce que vous le sentez? Non. Ben, c'est ça que je me disais, parce que vous dites tout le temps sur le terrain, c'est extraordinaire. Ben, sur le terrain. Mais en même temps, moi, si je pose la question à mon public, est-ce que vous aimez ça, cette émission-là? Ils adorent ça. Alors, moi, quand je sors, je dis, les gens adorent ça. Je demande ça aux gens. Mais nos chiffres sont bons aussi. Mais oui, ça, c'est sûr. Ben, oui, en même temps. Mais je dis, il faut aller ailleurs. Par exemple, si. En politique, il faut aller dans les environnements qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Bon, il faut consolider nos votes. Ouais. C'est ce qu'on dit. Hein? Dans une circonscription, quand tu commences, là, tu t'en vas consolider tes votes. Donc, dans tes secteurs de ville où tu dis, ben, lui est pour moi, elle n'est pas nécessairement pour moi. Donc, tu consolides. Puis, à la fin, quand il te reste 2-3 semaines, mais là, tu t'en vas dans des sections, dans des secteurs qui sont un petit peu plus difficiles. Puis là, tu essaies d'aller convaincre les gens. Ça, c'est difficile. Moi, j'ai toujours dit, une poignée de main. Mais Nicodère l'a compris. Puis, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Puis, un vote à la fois. François Legault a dit cette semaine que le PQ est mort. Maintenant, c'est un combat entre la CAQ et le PLQ. On a un petit peu de misère à le croire. Mais parce qu'il dit que le PQ et le PLQ sont pareils. Mais à ce point-là, Parce qu'il y a quand même de grosses différences entre ces deux parties-là. Ben, y a la, Marguerite fait oui de la tête. Il y a l'aspect constitutionnel, c'est certain. Ils ne veulent pas ben se séparer. Là, inévitablement, oui. Le Parti québécois veut se séparer. Ouais, puis mais vous, vous au final, pas parce que Marguerite est là, mais ce sont deux partis qui ont énormément taxé les Québécois dans les 20 dernières années. Et les familles en ont plein de casse. C'est pas de la faute de Marguerite. Sauf que là, mais je sais, mais Marguerite, je l'aime. Bon. Mais, ah. mais au final, c'est la vérité. Alors nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on dit non à un référendum, oui aux baisses de taxes. On dit oui pour la charte. Hein, la charte, on a tendu la main au Parti québécois avant l'élection. Ils ont voulu aller en élection sur ce sujet, grosso modo. Bon, mais ça, c'était un point électoraliste. Donc, ouais. ça divise les Québécois. Ouais, ouais. Mais je pense pas là, à la fin de tout ça qu'on sera pas capable de s'entendre. Peu importe la couleur du gouvernement le 8 avril prochain, je pense que ça, c'est un élément qui est important, tout comme mourir en dignité. Vous avez entendu parler. Ouais, ouais. Alors ça, c'est un autre projet de loi qui aurait dû être adopté avant qu'on aille en élection. Mon Dieu, que c'est le fun d'avoir des gens qui s'accordent comme ça. C'est fou. Hein? Je veux dire, ça aurait fait non, un bon dis, débat. Vous avez pas d'idée comment même on parle de sexe au gym, je vous l'ai dit tantôt. Là, puis on a dit, bon, c'est ça. Mais évidemment, mais vous, non, vous m'ouvrez mais, la porte. Là. Oui. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, là. C'est pas nous qui avons déclenché les ouais. élections. C'est ni les libéraux, ni la CAQ. C'est ni Québec solidaire non plus. Ben, ils n'ont pas les moyens, les et... Non, mais pas... Non, mais... Il ne faut pas accuser des gens. Oui. Mais quand on se vote, quand on vote ouais. une élection ouais. à date fixe, comment se fait-il qu'on viole sa propre mais là, loi? Attendez un petit non, peu. Moi, je imaginez 88 pas ça, millions. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ça? Ben, 88 millions. 88 millions, c'est bon deal. Au petit montage. Vous qui parliez de sexe, là, parce que, bon, on sentait que là, les partis d'opposition étaient un peu rigides hein, sur certaines positions. Puis comme c'était un gouvernement minoritaire, en tout cas, c'est ce qu'on a entendu. Moi, je sais que j'ai dans mais les c'est journaux. Mais parce qu'on a réglé le dossier des mines. Ça, c'est vrai. Souvenez-vous, ouais. avant les fêtes, là. Bon, ben, le Parti québécois a tendu la main suite au document de travail que j'ai déposé. C'est sûrement la première fois dans les 20 dernières années que c'est arrivé. Ah, ben, c'est pas le Parti libéral qui a fait ça. Là, vous allez me dire, M. Bonnandel, entre un docteur et une travailleuse sociale. On prend un comptable ou on prend un entrepreneur? Qui est le mieux pour diriger un Québec? Là? Ben, moi, je suis persuadé que c'est celui qui sait bien gérer le portefeuille des Québécois. Mais parce que c'est pas juste non plus... quand on a un bon ministre des Finances, par exemple, là, si on a un bon ministre des Finances, on n'a pas besoin d'être un bon comptable pour diriger l'État, non? Je veux dire, ça prend différentes qualités. Ouais. Un savoir bien s'entourer. Mais ben, M. Legault l'a dit, ouais. tu as le compteur de la dette, là. Ouais. Pour avoir ce côté, puis tu as le compteur du nombre d'employés qu'on va créer, pas d'employés, le nombre d'emplois qu'on va créer au Québec. Ouais. Puis ça, c'est important. Encore une fois, on ne fera pas de partisanerie à votre émission, mais non, malheureusement, en 2013, il s'est créé 4500 jobs au Québec, net. C'est au net, là. Ouais, 4 sur 4500, il y en a eu 2000 qui ont été créés où? À Québec. C'est une belle place. Fait que ça prend des jobs au Québec. Là. Ça prend des jobs payants. Je suis persuadé que vous autres, là, les jeunes, c'est moins jeunes, là, vous sortez jobs. Du bac, là, puis ça mais vous prend un job, peu, puis vous voulez travailler. Ça dépend ça, c'est du le calcul défi. Que vous faites. Là, je veux dire. Ouais. Ça dépend du calcul que vous faites. Évidemment, les gens du Parti québécois vont dire ben, attendez un peu. Là. C'est perdu. Non, non, mais je te parle de net. Tu parles de job net. Je suis d'accord, mais ça, c'est pour c'est du temps plein. 25 500 emplois. Temps plein, temps partiel. Il ne s'est pas créé de job ou presque au Québec en 2013. La statistique a dit que oui. Ben oui. Non, mais ça, c'est le net. Les statistiques. Fait que l'Institut des statistiques, c'est pas important. Ben écoute, on peut prendre ce qu'on veut, là. Ouais. Ah, mais c'est ça! Okay. Prendre ce qu'on veut, sauf que je te dis qu'au net, moi, je regarde le chiffre net, il s'est pas créé de job. C'est très intéressant, et je vois Pierre-Yves McSween, qui, lui, connaît ça vraiment. Il a un petit sourire, là, fait que j'ai l'impression qu'il vous croit pas. Mais, mais la vraie question, c'est ce discours-là, là, il a pas l'air de plaire aux gens. Je veux dire, mais pourtant, 13 % d'intention de vote, c'est je vais vous dire une chose, beaucoup, les jeunes et moins jeunes, surtout moins jeunes, on est la deuxième nation, il y a très peu de moins jeunes. Marguerite l'a dit tantôt, on est la deuxième nation la plus vieillissante au monde après le Japon. Ouais. En 2016, là, c'est demain, là, il y aura 3 travailleurs ici pour un retraité. On était, il y a 40 ans, 9 pour 1. Alors, imaginez la pression fiscale que vous allez avoir, vous, sur le marché du travail, pour protéger les acquis sociaux que vos parents et grands-parents ouais, ont payés. Là... Imaginez que sur une pièce d'impôt, vous envoyez à Québec, présentement, une pièce, là, il y a 45 sous qui vont moi, tout à mon argent va aller 24 sous à l'éducation, puis 12 sous au service de la dette. Il reste presque plus rien pour mais les autres c'est, mais ce qu'il oublie bon de vous dire... Sont en feu. Ce qu'il oublie ouais. de vous dire, ouais. c'est que les personnes qui vieillissent sont beaucoup plus en santé qu'auparavant et que ce n'est pas anormal... Et que ce n'est pas anormal de voir des personnes qui, normalement, prenaient leur retraite à 65 ans, continuer de travailler... Mais c'est là que mourir dans la dignité ans, prend tout ben oui, donc. Donc, il y a ça aussi comme phénomène. C'est le plus grand défi de garder nos personnes âgées, nos sages. Là, je vous le dis, là, on va perdre du monde. Là. Parce que ça devient même trop précis, cette discussion. Non, non, mais là, au final, vous payez trop, la gars. Ben oui, non, je comprends, mais lancez-vous un peu de boue qu'on finisse ça sur du spectaculaire. Là. Ah non! On est rendu trop dans la tête. Là. Ben oui, non, là, c'est bien trop. Mais je dirais, avant de se quitter, là, une dernière histoire de sexe. De quoi vous nous parlez au gym, là, spontanément, de quoi vous parlez? Bon, on parle pas. Non, donc là, on se regarde, puis Marguerite, ton discours tantôt, « Ouais, je pensais ça. » Puis l'autre, qu'est-ce que t'en pensais? « Ouais, c'était bon, c'était moins bon. » Non, mais tu sais, on ne veut pas. Quand on est à l'Assemblée nationale, ouais. on discute et ouais. on parle. Hein? C'est notre job de nous exprimer sur les différents sujets. Donc, veux, veux pas. Tu sais, à l'Assemblée nationale, il y a différents égaux. Les 124, 125 parlementaires qui parlent ici et là, un petit peu plus haut que d'autres. Il y a beaucoup de théâtre. Il y a même un logo. C'est ça, c'est ça. Ben, merci beaucoup d'être venu. Et puis nous, on va continuer notre émission. Vous restez avec nous, Joe. Absolument. Ben oui, j'espère bien. Fred, notre prochain chroniqueur. Si l'écoute des meilleurs moments de la radio Jambon était une maladie vénérienne, il serait quand même vénéré. Voici donc la chronique d'Olivier Niquette. On parle de sexe. Mon Dieu, ça devient... Va falloir peut-être sous-traiter vos présentations en Chine. En Chine encore, Je serais d'accord. Mais réalisant qu'il était très peu question du Canada pendant cette campagne, à part peut-être pour ce qui est de Philippe Couillard qui dit référendum aux trois mots, Sylvain Bouchard de Cogeco décidait la semaine passée de s'immiscer dans la campagne en distribuant des drapeaux canadiens, ce qui lui a valu une plainte au directeur général des élections. Le DGE aurait, je le mets au conditionnel, moi je pense que c'est un malentendu, aurait donné raison à ces gens-là pour pas déplaire aux péquistes. Ils interdiraient une distribution de drapeaux du Canada. Ah ben. Le symbole de tout le monde. Bon, finalement, ce n'était pas un malentendu et Sylvain Bouchard a dû changer son fusil d'épaule. Les symboles de tout le monde qu'il distribue devant le Canadian Tire le sont en l'honneur de nos valeureux soldats et non pas en l'honneur de sa campagne Anybody but Pauline. Le DGE n'y a vu que du feu. De leur côté, les animateurs de Radio X, même s'ils pourfendent quotidiennement le biais gauchiste des médias qui influence la population, ont voulu, suite aux critiques, préciser que le biais anti-PQ des radios n'a aucune influence sur la population. Jérôme Landry et Denis Gravel. Pensez vraiment que le monde a besoin de se faire laver le cerveau pour prendre une décision? Sais-tu être méprisant envers le monde? Terrible. C'est épouvantable. Terrible. Moi, je sais sont où les vrais stupides. C'est les gens qui pensent que les radios ont une incidence sur le vote. Faut être stupide pour penser à un affaire. Ben oui, vous êtes donc bien stupide. C'est pas la radio qui influence le monde. C'est le monde qui influence la radio. La seule façon de garder un microphone ouvert à Québec, dans le milieu compétitif dans lequel on est, là, c'est d'avoir le discours que les gens ont le goût d'entendre. Voilà. C'est comme la question de savoir ce qui est arrivé le premier, l'œuf ou le dindon de la farce. C'est ce qu'on appelle le paradoxe populiste. D'autre part, Joanne Marcotte du réseau Liberté Québec nous rappelait qu'aux élections, une surprise peut toujours se produire, se remémorant la dernière campagne, mais pas tant que ça. Regarde François Legault, comment est-ce qu'il nous avait étonné la dernière campagne. On le trouvait plate et tout. Christy, il a mangé Pauline Marois tout rond. J'ai voté pour la CAQ. Tu sais, c'est... J'ai-tu voté pour la CAQ? J'ai-tu voté pour la CAQ? Attends un peu. Une analyste politique qui sait pas pour qui elle a voté, moi, je trouve ça très rafraîchissant. Parce que tous les autres, là, on sait pas mal de quel bord ils sont. Jean Lapierre, par exemple, là, il a trouvé ça bien correct que Couillard ait mis de l'argent dans un paradis fiscal et c'est une proposition qui se défend. Par contre, c'est-tu nécessaire d'impliquer le hasard là-dedans? Puis d'avoir mis son compte de banque à la Banque royale du Canada puis que ça soit adonné à l'île Jersey, il n'y a rien là. Quel adon pareil, hein? Il a fait tourner le globe terrestre, puis pouf, direct sur Jersey. C'est petit en plus. Faut dire que fiscalité et politique, là, ça fait pas toujours bon ménage. L'avocate Anne-France Goldwater croit toutefois que ça ne devrait pas être le cas. Si c'était à moi, je laisserais les gens avoir autant de votes qu'ils ont sur la ligne 199 de leur déclaration d'impôt. Et pourquoi? Pas parce que je veux favoriser les riches, ce n'est pas vrai, mais que je considère que quelqu'un qui n'est pas capable de s'entretenir lui-même et qui reçoit des allocations de gouvernement ne devrait pas avoir un droit de vote. Il y a un conflit d'intérêts. Ben oui. Les BS sont en conflit d'intérêts parce qu'ils votent pour ceux qui vont leur donner plus de BS, tout comme Mme Goldwater qui aimerait voter selon son salaire parce qu'elle fait du cash en motadine. Terminons avec un grand moment de télé. Je ne parle pas de Fred Savard qui jouait un policier dans Les Beaux Malaises à TVA. Non, je parle de Jean-Philippe Vautier qui jouait dans un beau malaise de 15 minutes à VTL. Comment ça traduit ce côté-là hyper sensible en toi? Pas évident, les questions, hein? J'adore mon chien. Eh oui, notre animateur était chez Éric Salvaille mardi, mais détrompez-vous, il n'a pas parlé que de son chien. Il a aussi parlé de celui qui est derrière tout ce qu'il fait, celui qui contribue chaque semaine à son succès, son fidèle acolyte. Je parle bien sûr de Roberto. Ben, c'est une poudre pour les cheveux. Je sais pas c'est quoi. C'est mon coiffeur, Roberto, qui me vend ça. C'est ce qui donne ce look-là. On salue Roberto, d'ailleurs. Pas moi. Je fais des blagues, là. Ils n'ont pas parlé juste de son chien et de son coiffeur. Non, quand même, là, Jean-Philippe, il y a d'autres choses que ses cheveux. Oui. Exactement. Merci. T'as d'autres choses que tes cheveux. Hey. Il paraît que t'es dans tous tes états quand t'as des boutons d'en face. Comme ils disent à la Radio de Québec, il faut avoir le discours que les gens ont le goût d'entendre. Et notre animateur l'a très bien compris. Merci, Olivier. C'était très gentil. Ça fait plaisir. Hey, ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu. On va aller rejoindre notre reporter sans frontières, sans visière. Sans visière. Jeudi 27 mars 2014, les maritimes croulent sous les bombes. Non pas les bombes du djihad, mais plutôt les bombes de mer nature. Un véritable ouragan hivernal s'abat sur Halifax, comme un colis piégé sur Bagdad une heure plus tard dans les maritimes. Pourtant, c'est la joie qu'on put lire sur le visage de la jeune Syrienne Amina Al-Falali, arrivée au Canada il y a un an. Une larme d'émotion gèle sur ses joues dans le blizzard blanc comme une robe de mariée vierge. Si elle marche le cœur léger, c'est parce que le son des souffleuses a remplacé dans son cœur le bruit des tireurs de Bachar al-Assad. Arrivée devant son école, elle apprend qu'elle sera fermée pour la journée. Amina sourit malgré ses joues qui craquent. Elle se dit au moins qu'elle sera ouverte lundi, contrairement à son école d'Alep, complètement détruite par des tirs de mortier. Elle sait que ce soir, elle devra pelleter pendant 5 heures, alors que sa pauvre mère édentée la regardera de la fenêtre du salon. Mais au moins ici, elle a un salon. Car celui qu'elle avait à Alep a d'abord été détruit par une faction contre-révolutionnaire sous les ordres de Al-Assad, puis ensuite sous les ordres d'une faction rivale dont elle a oublié le nom. Elle se dit que de toute façon, pelleter est beaucoup mieux que de faire le ramadan. Ici Mahmoud Ashrafi à Halifax pour Reporter sans visière. Allez, s'en passe des affaires à Halifax, hein? Malade. C'est fou. Hey, on va les rejoindre Jean-Sébastien pour la dernière fois, Jean-Sébastien. Ah, Jean-Philippe, énormément de courriels ici qui s'adressent à notre spécialiste Pierre-Yves McSween. Je commence tout d'abord avec ce premier courriel qui nous vient d'un F. Savard de Montréal. Avec une question pas inintéressante, vous allez voir, M. McSween. Si on mettait la dette du Québec dans un paradis fiscal, ne pourrait-on pas peut-être payer seulement les intérêts? Ah, au Québec, c'est pas fou. On paye déjà juste les intérêts parce que la dette augmente de plus en plus. Par contre, évidemment, dans le paradis fiscal, on cache la richesse, pas la pauvreté. Ah. Mais il faudrait peut-être demander à Patch Adams ou à des rides quelque part de nous aider là-dessus. Ah, donc, ben c'est une bonne idée, ça. Tranquille avec lui. Deuxième courriel qui nous vient d'un J. Charret de Montréal. Bonjour, j'ai récolté 428 000 $ dans une activité, mais je ne sais plus où. J'aimerais mettre ce montant en sécurité. Quel est le meilleur placement pour moi? Je peux pas vous parler de manière illégale, donc je vous référer à un professionnel, c'est quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans. Vincent Lacroix, ça vous dit quelque chose? C'est bon, lui! Pierre-Yves McSween, merci infiniment d'avoir été avec nous. On a appris beaucoup de choses, entre autres que les comptables, c'était pas toujours plate. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, merci Pierre-Yves. Ah ben c'est déjà tout pour cette semaine. On vous invite à rester à l'écoute, tout le monde. C'est la bibliothèque de René dans quelques instants. Et surtout, un gros merci à nos invités. Il nous reste combien de jours de campagne? 9 jours de campagne. Bon, 9 jours de campagne. Et j'espère que vous allez continuer à vous réentraîner au 4e étage à partir du 8 avril. Absolument. Il faut gagner notre circonscription. Voyons, on a bien gagné, je peux pas croire. Un jour à la fois. C'est ça. Ben, on vous embrasse et on vous remercie énormément merci. D'avoir participé. Merci à nos invités ce soir. Merci. Écoutez-nous sur iTunes, notre balado est disponible. Évidemment, si vous voulez venir assister à l'émission, on enregistre les vendredis à 16h. La semaine prochaine, nos invités, Pierre Arcan et Jean-François Lisée. Okay. On est très heureux, oui, juste avant les élections. Ça va brasser. Oui. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Merci tout le monde.